Leçon 5. Page 22. Activité 2 et 3. Piste 16. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ça va. Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Lina. Et toi ? Moi, je m'appelle Anvi. Tu as quel âge ? J'ai 8 ans. Et toi ? Moi, j'ai 8 ans et demi. Tu es de quelle nationalité ? Je suis vietnamienne. Et toi ? Tu es française ? Non, je suis belge.